c'est qu'elle veut le ballon. Moi je les lobe. J'ai côtoyé la nuit, j'ai changé de flow. Tu fais par-ci, tu fais par-là, je veux rentrer de love. On break pour la monnaie gros. Fais le foot, t'es mort. Et chez moi, gros, ça vend de la drogue. Et ça depuis longtemps. À la TGG, je suis mais je la vois dans le premier rang. J'ai les yeux rouges ce soir, maman. J'ai vu des trucs étranges. J'ai la lame, gros. Je dois couper en tranches. Le bolide sur toi, t'as la pression. Hein. J'ai caché dans le buisson. Hein. Ça cuisine la cuisson. Je bois pas de potion. Fuck la commission. Hein. J'ai le mauvais des garçons. Millions des garçons. J'ai des millions de dollars. Millions d'euros. Et ça dans le caleçon. Tu veux me faire négro, négro. Je suis dans le P. Je roule à P. On va la faire. Tu dois le faire. C'est un débile qui te mettra à terre. Tu veux la guerre. On va la faire. Tu dois le faire. C'est un débile qui te mettra à terre. Ça parle de guerre, sa mère. On va la faire. Pas d'âme de guerre. Pour Barra me protège. Pour les mettre à terre. Même les plus balèzes. Mais on est des fous. Nous, on veut des sous. Et gros, j'ai les bouilles. Gros, j'ai les douilles. Ça monte sur des coups. Mets ta genou, peut plus à tes coups. Contre la lispo, j'écrase de mes gauches, j'entends le toki. S'achète les bidons, chaud qui vont venir tôt. Maman fait dodo, bon, j'compte bien ma go. Les pédés veulent ma peau, mais j'suis tout dans le bendo. Faut la gagne des bédos, j'parle avec les démons. Tu veux me faire, négro, négro, j'suis dans le thé, négro, négro. J'roule un P, négro, négro, j'suis sur le thé, négro, négro. Tu veux me faire, négro, négro, j'suis dans le P. On va la faire. Tu dois le faire. C'est un débile qui te mettra à terre. Tu veux la guerre. On va la faire. Tu dois le faire. C'est un débile qui te mettra à terre. Et tu veux me faire.